Entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Les démarches militaires des États-Unis pour empirer à l'extrême la situation dans la péninsule coréenne s'avèrent de plus en plus dangereuses en dépit de nos avertissements solennels, des critiques et protestations de la communauté internationale. Il est de notoriété publique que les États-Unis ont déjà disposé aux alentours de la Corée du Sud toutes sortes de biens stratégiques, tels que les flottilles de frappe de porte-avions nucléaires Stennis et Ronald Reagan, le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi et les bombardiers stratégiques B-52H, alors que ces derniers jours, 12 avions de combat F-16 de la 169e aviation de combat sont déplacés du territoire américain à la base de l'aviation d'Osan en Corée du Sud, avant de publier le programme de livrer les simulacres de frappe sur nos établissements militaires importants. Cela montre que les États-Unis tentent de provoquer à tout prix une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne à travers les manœuvres militaires américano-sud-coréennes prévues en août prochain et qui sont entrées à l'étape pratique pour les exécuter. En effet, les États-Unis, en proie à leur anachronique politique d'hostilité envers la Corée et à leur stratégie d'hégémonie mondiale absurde, s'affairent à transformer la péninsule coréenne en champ de guerre thermonucléaire et, sur cette base, à réaliser pour de bon leur stratégie d'Asie-Pacifique de nature agressive. Leur décision officielle de disposition du SAD en Corée du Sud en fait partie aussi. C'est bien clair que l'établissement du SAD vise directement les pays voisins de notre pays. Ce n'est point par hasard que les pays avoisinants réagissent fort à la décision de la disposition du SAD des États-Unis et des fantoches sud-coréens. Les États-Unis s'affairent au simulacre de guerre agressive, au renforcement des armements et à la fondation d'un bloc militaire en prenant pour la première cible d'attaque la République populaire démocratique de Corée, mais aussi à la suprématie militaire et à l'ambition dominationniste en Asie-Pacifique. De telles menées américaines menacent gravement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et le reste de la région, et le danger d'une guerre nucléaire est donc imminent. Nous ne resterons point les bras croisés devant les manœuvres frénétiques des États-Unis visant à précipiter la péninsule coréenne dans les affres de guerre nucléaire, mais prendrons des contre-mesures autodéfensives plus dures pour défendre la souveraineté, la dignité et la paix du pays et de la nation. Si les États-Unis finissent par provoquer la guerre nucléaire dans la péninsule coréenne, ils subiront inévitablement les premiers, les frappes nucléaires. Le 11 juillet de l'an 105 du Juche 2016, Pyongyang.